TF1. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, ben, comme chaque semaine, on a de l'excellente musique à vous présenter pendant 2 heures. Donc, installez-vous confortablement. Ce soir, on va commencer avec Anthony Kalugin, un monsieur très productif, qui présente son 2e album sous son nom. Mais vous le connaissez peut-être pour Carfagen, Hogwash et quelques autres. Et l'album a pour titre Stellar Gardener. Ce sera suivi de Jane Gator Premonition, une guitariste de New York. Un superbe album qui vient de sortir, Anomalia. Après ça, on se dirige vers l'Italie avec Barrow Prague Jet, le second album de cette entité italienne, parce que c'est surtout le projet d'un seul musicien. Et l'album a pour titre Utopie. Et on demeure en Italie avec Simone Cosetto de son album The Weight of the Wind, son second album. Et on y va avec Monsieur Anthony Kalugin, Stellar Gardener. Thank you. Start to grow. We oh welcome, your starship's there. Before the sadness frees all things, I need to reach that place and spin. There's thousands of miles to cross, but I've got back the hopes I lost. Now I'm driving my starship there, through a course I should behold. Do you feel its eyes turn into ice? To leave all this I won't think twice. Here I've got no roots at all, nothing to lose, nor which love for. Such an offer now sounds to me like a dream. Street.

scène de la poudre. Il suffisait que je passe pour que tombe la foudre. Dans les traces fumantes de mes armées conquérantes, plus rien ne repoussait sans que je n'y consente. J'ai brûlé mon royaume pour ne pas le laisser à qui je l'ai volé. Parce que je suis un homme et je ne sais partager. Rien ni personne avant moi n'eut un tel pouvoir, et rien ni personne après moi ne sera là pour voir. J'ai suivi mon chemin sans un regard derrière, sans attendre que retombe la poussière. J'ai mis en cage tout ce qui plaisait à mes yeux, faisant disparaître le reste sans aucun état d'âme. Autoproclamé maître suprême des lieux, j'ai régné sans partage par l'épée et la flamme. J'ai brûlé mon royaume pour ne pas le laisser à qui je l'ai volé. Parce que je suis un homme et je ne sais pas.

CKRL. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Ma belle amour, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine, à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. La prochaine demi-heure va être placée sous le signe de l'Italie. On aura en tout premier lieu Elsmer de l'album Weird. Je pense qu'on peut se risquer à dire que Weird était probablement un des très bons albums de 2020 avec un projet de Roberto Vitelli, un ex-tapobran, et plusieurs invités dont Mathias Olsen à la batterie, David Jackson et Thomas Bodin et quelques autres. Ce sera suivi d'un autre excellent album italien, Maschera di Cera, leur plus récent S.E.I. Et on va conclure avec Raven Sad, je le sais, je pense que vous avez deviné que j'adore cet album, de l'album de Leaf and the Wing. On va écouter une pièce qui a pour titre The Sadness of the Raven, une pièce qui est apparue comme 2 ans plus tôt. Je ne sais pas si certains s'étaient procuré le livre Rock Progressivo Italiano, volume 1. On y retrouvait cette pièce de Raven Sad, 2 ans avant la parution officielle. C'est un disque qui était un disque compilation qui était accolé au livre édité par Terra Incognita. Et bien, on y va en musique. Trêve de bavardage, on y va avec Elsmer Weird.

stand in front of the sun, ready to sink down. Feeling warm as flame inside, while the cold is out. I can recall when I was bright, the beauty was the shame of snow. I can recall so strong. Now it's like a spell. Conclusion, conclusion. I spread to the sky with sadness in my eyes, trying to reach the mountain. We'll be right back. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. 89.1. C'est KRL. Québec. Dernière demi-heure en votre compagnie. On va commencer avec une nouveauté, pas récente. C'est une réédition. Bon, je vais arrêter de niaiser, là. Une réédition d'un album d'un groupe norvégien qui a pour nom Major Parkinson. C'est leur troisième album paru en 2014, Twilight Cinema. Il n'était pas disponible depuis un bout, mais il vient d'être réédité. On aura par la suite Joe Denison et Stratosphérius, un quatrième extrait d'un album à venir. Je pense que j'ose espérer qu'ils publieront pas pièce par pièce jusqu'à temps que l'album soit prêt. Mais enfin, c'est leur quatrième extrait. Et on aura aussi Carrie Livgren. Ça remonte à 1994, son septième album solo, un ex-membre de Kansas, la formation Kansas. Et l'album a pour titre When Things Get Electric. Mais en attendant, on y va avec Major Parkinson. I see you wanna try to kill the pain.

C'est déjà le temps de vous quitter. Je vous invite à rester des nôtres. L'autoroute qui suit dans quelques instants. Et puis, ben moi, je vais vous laisser avec une formation finlandaise qui a pour nom Cosmos. C'est de leur plus récent album Ayan Pele. Et c'est leur 5e album pour cette formation finlandaise. Et puis, ben écoutez, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Et comme d'habitude, je termine toujours en vous invitant à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita pour avoir plein de nouvelles du monde du prog. Sur ce, bonne nuit à notre antenne. Thank you. maista valmis, yksin, vailla suuntaa. Kaipuun vallassa istahdan alas penkille. Ympärillä leijuvien tulikärpästen hypnoottiseen hehkuun syventyneenä irrottaudun kehostani. Kasvot virneessä oleva varjoni jää askel askeleelta jo minusta väsyneenä aamukasteen kostealle valurauta penkille. Thank you.